Chapitre 6. Le premier réflexe d'Amy fut de dévisager Hortz. Silencieusement, elle articula « c'est toi » de manière qu'il puisse lire les mots sur ses lèvres. Mais le vieux secoua négativement la tête. Un affreux soupçon traversa alors l'esprit d'Amy et elle interrogea pareillement Sharon. La fillette lui fit la même réponse. Resserrant le col de son peignoir, la jeune femme se fraya un chemin au milieu des marins jusqu'à la porte de la cabine restée ouverte. Pardington et Lansdell Crawford gisaient sur le sol vêtus de pyjamas à rayures. On les avait abattus d'une balle en plein cœur. Ils avaient peu saigné. On a utilisé un silencieux, songea Amy. Dans le cas contraire, nous aurions tous entendu la détonation. Ethel avait recouvré ses esprits. Le capitaine la pressa de questions. C'est le comportement de Marzamora, l'un des Kalishmal, qui m'a mis la puce à l'oreille, expliqua-t-elle. Alors que nous nous promenions, il s'est mis tout à coup à gratter furieusement contre la porte de ces messieurs. J'ai pensé que quelque chose d'anormal était arrivé. J'ai frappé. Comme personne ne répondait et que Marzamora s'excitait de plus en plus, j'ai tourné la poignée. On a dû les cambrioler, hasarda Suzanne Worthington. Sans doute un marin. Cet équipage est si patibulaire. Le commandant paraissait tout à la fois anéanti et exaspéré. Il n'avait pas l'habitude de ce genre de situation. Par ailleurs, la présence du sous-marin et la menace d'un torpillage imminent minimisaient l'importance du meurtre. « On verra cela plus tard, soupira-t-il excédé. Pour le moment, j'ai d'autres soucis en tête. On peut nous envoyer par le fond d'une minute à l'autre. Si ça se produit, on n'en saura plus à deux morts près. Dieu s'occupera de tirer ça au clair. » La journée s'écoula dans un climat de rêve éveillé. Au repas de midi, les chaises de Pardington et de Lansdell Crawford demeurèrent vides. « Il y a un assassin à bord, » pleurnichait Ethel. « Si les Allemands ne nous torpillent pas, c'est lui qui nous égorgera. Jamais nous ne verrons l'Australie. » « Qui a fait ça ?» demanda Amy dès qu'elle put s'isoler en compagnie de Sharon et de Ziegfeld. « Aucune idée, » grommela le vieux, « mais il nous a rendu un sacré service. » « Il y avait quelqu'un dans la cale, » rappela la fillette, « quelqu'un qui espionnait ces deux types. »« Je sais pourquoi on les a tués, » souffla Amy, « pour les empêcher de faire sauter la cargaison. » »« C'est également la raison pour laquelle le U-boat ne nous coule pas. »« Il est là pour s'emparer du contenu de la soute. »« Il va nous arraisonner, s'emparer du fret et nous faire sauter pour que l'amirauté s'imagine que Pardington a eu le temps de détruire le fret. » « Une chose est sûre, » fit Hortz, « il y a un espion à bord, quelqu'un qui travaille pour les nazis, quelqu'un qui est en liaison constante avec eux. »« Par radio ? Non, ce serait trop risqué. Le Marcoutis de l'Almoa pourrait intercepter les messages. C'est un bon radiotélégraphiste. Notre homme doit utiliser un moyen beaucoup plus rudimentaire, des signaux lumineux par exemple. On peut facilement émettre des signaux depuis l'intérieur d'une cabine. » Il suffit d'une lampe de chevet et d'un hublot. La nuit, la lumière porte loin. Le U-boat n'a qu'à sortir son périscope pour lire les messages. N'importe quel signaleur breveté est capable d'utiliser ce moyen pour expédier des rapports détaillés. Alors, fit Amy d'une voix pensive, il nous suffira d'attendre la nuit pour déterminer de quelle cabine partent les signaux. Exact, approuva Ziegfeld. Au dîner, le capitaine prit la parole d'un ton embarrassé, mais n'admettant aucune contestation. « Cette situation ne pouvait plus durer, » annonça-t-il. « J'ai donc pris une décision qui va à l'encontre de la prudence. Cet après-midi, j'ai demandé aux radios d'émettre un message de détresse exigeant le secours de l'aviation. » Comme vous le savez, le code allemand appliqué par les commandants de sous-marins nous interdit formellement de demander de l'aide. Si nous passons outre, et qu'ils interceptent l'émission et nous torpillent aussitôt sans coup de semonce. J'ai néanmoins décidé de réagir. Je pense qu'un bombardier allié nous survolera d'ici quelques heures. Il attaquera le U-boat, le détruira ou le mettra en fuite. Je sais que cela nous fait courir un terrible risque et que l'aube vous semblera longue à venir, mais il n'était plus possible de continuer à fuir devant l'ennemi. J'espère que vous approuverez ma décision. À présent, je vous propose de prier tous ensemble. Que Dieu nous vienne en aide. » Les passagers se levèrent d'un même mouvement. Ils étaient pâles. D'une voix sourde, ils commencèrent à égrener les paroles du psaume. Quelque part au loin, Marza Mora, le caniche dominant de la meute bichonnée d'Ethel Pumper, se mit à hurler à la lune. C'était la gaffe à éviter, gronda Siegfried en sortant de table. Si le radio du U-boat a capté le SOS, son commandant sait désormais qu'il ne peut plus différer l'attaque. Il doit nous arraisonner avant l'aube, transborder la cargaison, puis, son mauvais coup accompli, plonger de toute urgence pour échapper aux avions. Ensuite, il nous fera sauter, par principe parce que c'est la guerre, pour punir les Anglais d'avoir tenté de le mystifier et les Australiens d'avoir été complices de cette mascarade. « Que proposes-tu ? » demanda Amy, la gorge serrée. Le vieil homme hésita. « Il y a peut-être une solution, » hasarda-t-il. « Ça relève du coup de poker, mais bon, fichu pour fichu, autant tenter l'impossible. »« Quoi ?» s'impatienta la jeune femme. « Il faut démasquer l'espion qui se trouve à bord, » murmura Hortz, « et prendre sa place. »« Se faire passer pour lui. »« C'est notre seule chance d'être épargné. » Amy écarquilla les yeux. « Une substitution ? Tu es fou ? » haleta-t-elle, tout en sachant que le vieillard avait raison. « Écoute, » insista Hortz, « j'ai été militaire, j'ai fricoté avec le renseignement, je sais comment ça fonctionne. C'est très compartimenté. Je pense que le commandant du U-boat n'a jamais rencontré l'espion qui travaille sur l'Almoa. Il ignore tout de son apparence physique. Pour lui, ce n'est qu'un nom de code. Je suis allemand, je pourrais être cet agent secret. » Amy demeura muette. Dans un réflexe inconscient, elle avait attiré Sharon contre elle. « Tu sais ce qui va se passer, » reprit Siegfried d'un ton dur. « Ils vont grimper à bord et abattre tout le monde à la mitraillette. » « Ils iront de cabine en cabine, n'épargnant personne. Pas de témoins, c'est la règle. Puis ils videront la cale, ils n'emporteront que deux choses, le trésor et l'espion qui n'a cessé de les renseigner depuis le début de la traversée. L'Almoa, ils l'enverront par le fond dès qu'ils seront à bonne distance. Quand le bombardier arrivera demain matin, il trouvera une tache d'huile et des débris. Je n'ai pas besoin de te faire un dessin. Tu as déjà vu ça. C'est de la folie, souffla Amy. Ça ne marchera jamais. Tu n'arrêtes pas de parler d'un espion. Mais nous sommes trois. Fais marcher ton imagination, s'emporta Hortz. Tu étais plus créative avant de perdre la mémoire, moins peureuse également. Une telle situation t'aurait excité. Il se mit à arpenter la cabine d'un pas nerveux. La tension l'avait curieusement rajeuni. Tout à coup, il paraissait moins diminué, plus dangereux. « Toi, » lança-t-il en s'adressant à Amy, « tu parles allemand. Le seul problème, c'est Sharon. »« Je ne te le fais pas dire. Comment justifieras-tu sa présence ? C'est une gosse. »« Oui, mais pas n'importe quel gosse. C'est une médium. Voilà, c'est ça. Elle a des dons de divination et nous sommes chargés de la convoyer jusqu'à Berlin. » Hitler adore les astrologues. Il vit entouré de mages. Cette petite fille a des dons exceptionnels qui peuvent éclairer notre fureur dans sa lourde tâche. Une visionnaire de haut vol que nous avons arrachée à la cour d'Angleterre où elle conseillait Churchill en personne. C'est une idiote à demi-somnambule qui n'a pas conscience du monde extérieur. Elle ne sait que répondre aux questions qu'on lui pose. Voilà, ça devrait marcher. Tout le monde connaît la passion d'Hitler pour le paranormal. On s'étonnera pas de cette nouvelle marotte. C'est tellement énorme qu'on osera y voir un subterfuge. « Moi, ça me plaît !» s'écria Sharon enthousiaste. « Je suis tout à fait capable de jouer les sorcières. Quand j'étais à Ashden, je m'amusais à terrifier les paysans en me donnant des airs d'envoûteuse. » « Sharon, » intervint Amy, « il ne s'agit pas d'un jeu. »« Je sais !» répliqua la fillette d'un ton sec. « Il s'agit de sauver ma peau. J'estime que l'idée de Siegfried est excellente. Elle est tellement invraisemblable qu'on est forcé d'y croire. Tu en as une autre, peut-être ?» Amy secoua négativement la tête. Non, elle n'avait rien à proposer. L'excitation de ses compagnons l'effrayait. Elle croyait y discerner quelque chose de diabolique. Ces deux-là s'entendaient à merveille. Elle en conçut un sentiment de rejet et s'irrita de rester à la traîne, incapable de partager leur enthousiasme. « Je ne suis plus comme eux, » se dit-elle, avec une tristesse mêlée de soulagement. « Il faut attendre le crépuscule, » expliqua Hortz. « C'est cette nuit que l'espion apprendra à ses amis du U-boat qu'il a liquidé les agents anglais veillant sur le trésor. » « Il l'a peut-être fait la nuit dernière, » hasarda Amy. « Non, sinon le sous-marin nous aurait déjà arraisonné. Les Allemands ne peuvent pas nous aborder tant qu'ils n'ont pas la certitude que les types des services spéciaux ne sont plus en mesure de tout faire péter. Ils ne peuvent pas se permettre de prendre ce risque. Ils y perdraient la cargaison. Je pense que l'espion n'a pas réussi à liquider Barbington et son copain avant l'aube. L'opportunité ne s'est pas présentée, voilà tout. Dans ce genre d'affaires, il est impossible de tout contrôler. S'il les a tués alors que le soleil se levait, il était trop tard pour émettre des signaux lumineux. Il va donc le faire ce soir ? Oui, et le sous-marin va immédiatement passer à l'action. Il n'a pas le choix. Tout devra être réglé cette nuit avant l'arrivée des bombardiers. Ça nous laisse peu de temps pour agir. Entre l'émission du message et l'arrivée du U-boat, il ne s'écoulera pas plus d'un quart d'heure. Il faudra donc être prêt à jouer notre rôle à ce moment-là. C'est du suicide. Je te le répète, on n'a pas le choix. Ils vont tuer tout le monde et couler le cargo, sitôt la cargaison transbordée. En prévision des événements, ils passèrent des vêtements résistants et remplirent un sac avec des objets de première nécessité. Quand le soleil se coucha, ils quittèrent leur cabine pour se glisser sur le pont. Là, ils s'accoudèrent au bastingage pour surveiller les hublots perçant les flancs du cargo. Conformément aux ordres du capitaine, ils étaient tous aveuglés par d'épais rideaux. Le premier qui s'illuminerait serait le bon. « Il faudra faire vite, » murmura Hortz, « et ne pas se tromper de cabine. » Dans l'après-midi, ils avaient arpenté les coursives pour dresser un plan précis des lieux. Chaque cabine avait été répertoriée avec le nom de son occupant. Un comptage des hublots avait également été effectué. Il n'y en avait qu'un par cabine, ce qui facilitait le repérage. « Ça ne marchera que si l'espion est un passager, » avait objecté Amy. « S'il s'agit d'un marin, nous ne pourrons pas le localiser. »« Je sais, » fit Hortz, « mais je suis persuadée qu'il s'agit d'un voyageur. Les matelots sont tous des aborigènes. Je les imagine mal collaborant avec la Kriegsmarine. » Amy était nerveuse. Le plan de Ziegfeld n'avait pas une chance sur 1 million de réussir. C'était un coup de poker, voilà tout. On n'improvise pas une substitution de personne en un quart d'heure. Leur seule bonne carte, c'était leur connaissance de la langue allemande et le fait que le vieil homme avait été jadis officier dans la Luftwaffe. La nuit s'épaississait autour d'eux. Le cargo voguant tout feu éteint, ils se retrouvèrent plongés dans les ténèbres au point de pouvoir à peine distinguer leurs mains lorsque la lune se cachait derrière un nuage. Penché au-dessus de l'hélice, l'estomac scié par la rampe de cuivre, il scrutait les flancs du navire. Hors à bâbord, Amy à tribord, Charon à la poupe. Le vent les faisait claquer des dents. Quand un paquet de mer s'écrasait contre la coque, les éclaboussures grimpaient jusqu'au pont leur cinglant le visage. Une heure s'écoula. Enfin, alors qu'ils n'y croyaient plus, un hublot s'illumina puis se mit à clignoter. Amy laissa échapper une exclamation de surprise. Elle se livra à un rapide comptage, vérifiant la position de la cabine par rapport au plan qu'elle avait mémorisé. Elle siffla pour prévenir ses compagnons. Ils la rejoignirent aussitôt. « C'est incroyable, » haleta-t-elle. « La cabine, c'est celle d'Ethel Pumper, la femme aux caniches. »« La garce nous a bien roulé, » cracha Ziegfeld. « Allons-y, le temps presse. » Ils se revèrent dans l'entrepont. Une vieilleuse bleuâtre éclairait chichement la coursive. Sur la pointe des pieds, ils s'approchèrent de la porte. Aucune lumière ne filtrait. Les deux femmes avaient de toute évidence tendu une couverture devant le battant. La serrure ne poserait pas de problème. Il s'agissait d'un modèle élémentaire plus symbolique qu'efficace. Hort avait déjà sorti 2 crochets de sa poche. « Il faudra faire vite, » souffla-t-il à l'oreille d'Amy. Elles sont armées et elles ont déjà tué deux hommes. D'un signe de tête, il lui fait comprendre que la porte était déverrouillée. L'opération s'était déroulée dans le plus complet silence. Alors, d'un coup d'épaule bien appliqué, il enfonça le battant et bondit dans la cabine, le couteau à la main. Amil suivit. Son œil enregistra l'image d'Ethel agenouillée près du hublot, brandissant un petit projecteur à vapeur diode dont la lumière portait fort loin. Une espèce de manipulateur morse fixé sur la poignée lui permettait de faire clignoter l'ampoule selon un rythme déterminé. Zoé, la demoiselle de compagnie, était assise sur l'une des couchettes, un pistolet automatique Mauser en travers des cuisses. L'arme était équipée d'un gros réducteur de son. Ce fut elle que Ziegfeld frappa en premier. Avant qu'elle ait pu lever son arme, il l'avait poignardée, enfonçant la lame verticalement derrière la clavicule, de manière à transpercer le cœur. Foudroyée, elle s'effondra. Sa tête n'avait pas touché l'oreiller que le vieil homme s'était déjà emparé du Mauser. Visant Ethel, pétrifiée par la surprise, il tira deux fois en pleine poitrine. La grosse femme lâcha le projecteur et s'abattit. Les caniches, terrifiées, pissèrent sur le tapis avant de s'aplatir en couinant sous la couchette de leur maîtresse. L'intervention n'avait pas excédé 5 secondes. Déjà, Hortz examinait le contenu de la valise ouverte sur le sol. Équipée d'un double fond, elle contenait les inévitables carnets de code ainsi qu'une dizaine de feuillets couverts d'une écriture ronde, féminine. « C'est bien ce que je pensais, » dit-il au bout d'une minute. « La cale contient une importante cargaison de lingots d'or destinée à financer la contre-attaque britannique en cas d'invasion de l'Angleterre par les nazis. Il y a également beaucoup d'œuvres d'art, des tableaux, des statues, ainsi que les joyaux de la couronne. Diable ! Ils ont préféré expédier tout ça chez les kangourous plutôt que de voir Hitler s'en emparer. C'est énorme. Les joyaux de la couronne ? Balbutia Ami. Sur ce cargo minable ? Mais oui ! Ce sabot est si moche qu'on n'a même pas envie de gâcher une torpille pour l'envoyer par le fond. C'était une ruse, tu comprends ? Hortz compulsait les documents avant de les passer à Ami. Les mains tremblantes, la jeune femme essayait de s'en imprégner. C'était avant tout des listes d'objets historiques, tapisseries, vases, peintures, dont la valeur défiait l'imagination. Tout avait été empaqueté dans des conteneurs étanches, anti-choc, ceux-là même qu'utilisait l'armée pour les parachutages. Ziegfeld, lui, feuilletant le petit carnet, assimilait les codes. Il entreprit de traduire la feuille qu'Ethel avait posée près du hublot. « D'après ce que je comprends, murmura-t-il, elle était en train de leur apprendre la mort de Barrington et de son ami. C'est bien ce que je pensais. Elle les a abattus ce matin, juste avant de donner l'alerte. Elle n'a pas pu faire autrement, il se méfiait. Il ne lui aurait pas ouvert en pleine nuit. Ils devaient se barricader et dormir l'arme au poing. Le jour, c'était différent. Ils n'ont pas pensé que quelqu'un aurait le culot de les flinguer à l'heure du breakfast. Et maintenant, s'impatienta la jeune femme, que fait-on ? « Je dois reprendre la transmission, » fit Hortz. « Ils penseront que je me suis interrompue par précaution à cause d'un bruit de pas dans la coursive. »« Tu vas savoir faire ça ?»« Oui. » Elle utilisait la table des signaux lumineux de la marine de guerre. « Je la connais. » Et comme elle avait codé son message, le travail est déjà mâché. « Alors ils vont venir ?» Alta a mis en se redressant. « Le U-boat, il va nous aborder. » »« Le moyen de faire autrement ?» Et si tu leur disais que Barrington est toujours vivant, ça permettrait d'attendre jusqu'au matin l'arrivée des bombardiers. Ziegfeld secoua négativement la tête. Ce n'est pas possible, grogna-t-il. On ne peut pas savoir à quel point de la transmission est-elle s'est interrompue. Si elle leur a déjà fait savoir que les agents anglais sont morts, j'aurais l'air de quoi en annonçant le contraire. Ça paraîtra louche. Ce n'est pas la vraie raison, pensa Amy. Il ment. Il ne veut pas que la cargaison reste à bord de l'Almoa. Il imagine sans doute qu'il lui sera plus facile de se l'approprier lorsqu'elle sera à bord du U-boat. C'est ça qu'il a en tête. Elle eut une bouffée de haine. L'odeur de sang lui donnait la nausée. Ethel et Zoé continuaient à se vider, l'une sur le tapis, l'autre sur le matelas. Les relents de pisse de chien n'arrangeaient rien. Sharon, debout à l'entrée de la cabine, considérait le spectacle d'un œil dénué de sentiments. Si elle poursuit sur cette lancée, songea Amy, elle deviendra vite la chouchoute de Ziegfeld, sa nouvelle fille adoptive. Elle s'étonna de se découvrir jalouse de la fillette, c'était absurde, grotesque. Ils n'étaient que des clowns sinistres. Pendant ce temps, le vieil homme s'était emparé du projecteur. Après l'avoir collé contre le hublot, il reprit la transmission depuis le début, mais il était rouillé et égrenait les signaux lumineux à un rythme inégal. Amy se demanda si le commandement du U-boat le remarquerait. Les spécialistes étaient, dit-on, capables d'identifier l'individu qui transmettait à son doigté, chacun ayant son propre style. Elle haussa les épaules, fataliste. Quand il eut terminé, Horst demeura le nez collé à la vitre. Soudain, de brefs éclats lumineux palpitèrent dans le lointain. « Ils répondent !» souffla le vieillard. « Vite, un crayon du papier !» Ce fut bref. Le visage luisant, Horst confronta ses notes avec le carnet de codage. Il jura entre ses dents tachées par le tabac. « Alors, lança Amy. « Je ne comprends pas, » marmonna Ziegfeld. « Ou bien j'ai fait une erreur de transcription, ou bien ça signifie. » Bien reçu et évacué, torpillons dans 20 minutes. Alors, ils ne vont pas nous arraisonner, balbutia Amy. Le vieux ne lui répondit pas. Il avait plongé les mains dans la valise pour s'emparer d'une carte maritime qu'il examinait à présent avec fébrilité. Bon sang, cracha-t-il. Je suis idiot. C'était là, dessiné sur la carte. Je sais pourquoi ils attendaient depuis tout ce temps. « Depuis 3 heures, nous naviguons au-dessus d'une zone de haut fond volcanique. C'est exceptionnel dans cette partie de l'océan où les fosses marines sont nombreuses. Explique-toi. Des hauts fonds. Ça signifie que s'il nous coule maintenant, le cargo ne s'enfoncera que de quelques dizaines de mètres. Une trentaine tout au plus. Les scaphandriers n'auront aucun mal à localiser l'épave et à remonter le trésor. Mais il faut qu'ils nous le torpillent maintenant. » Tant que nous évoluons au-dessus du plateau sous-marin. S'ils attendent trop longtemps, l'Almoa disparaîtra dans un gouffre et personne jamais ne pourra y descendre à cause de la pression des abysses qui écraserait les plongeurs. Alors, ils ne vont pas nous arraisonner, répéta Amy, encore incapable de s'adapter à la situation. Mais le transbordement ? J'ai été stupide, cracha Horst. Je ne pensais pas que le butin représentait un tel volume. Je croyais qu'il s'agissait de 2 ou 3 caisses, tout au plus, mais il est évident qu'une cargaison de cette importance ne peut trouver sa place à bord d'un sous-marin, c'est trop étroit. Ils vont prendre les coordonnées du naufrage, puis ils enverront un navire battant pavillon de complaisance. Un cargo quelconque qui se chargera de la récupération du trésor. Ils auront tout ce qu'il faut à bord, du matériel de renflouage, une équipe de plongeurs militaires. Oui, c'est ainsi que ça se passera. Mais les torpilles, protesta Amy, elles vont faire exploser l'Almoa. Non, pas forcément. Il suffit de savoir où viser pour ouvrir des voies d'eau sans que la salle des machines prenne feu. C'est pour cette raison qu'ils nous étudiaient à la jumelle. Ils prenaient des repères afin d'ajuster leurs tirs. Ils vont s'arranger pour crever la coque sans provoquer trop de dégâts. De cette manière, l'Almoa sera presque intacte lorsqu'il sombrera. Amy vit passer une lueur admirative dans les yeux du vieillard. Elle eut envie de le gifler, la vieille canaille. Fichons le camp, lança Horst en se redressant. Il faut s'éloigner le plus vite possible du navire ou il nous aspirera en s'enfonçant. On ne peut pas partir comme ça, protesta Amy. Il faut prévenir les autres, réveiller l'équipage. Pourquoi, gronda Ziegfeld en la saisissant aux épaules. Pourquoi ? Pauvre idiote ! Ils seront tués de toute façon. Tu t'imagines que le U-boat va les récupérer ? Bien sûr que non. On les tairera comme des lapins. Au besoin, on leur balancera une bombe au phosphore pour les griller. Tu veux en être ? Amy ne savait plus que dire. Le vieux s'empressa de ranger les carnets de code et les documents dans une pochette étanche. Sous l'une des couchettes, il trouva ce qu'il cherchait, une grosse valise contenant un canot gonflable relié à une bonbonne d'air comprimé. « Je savais bien qu'elle n'utiliserait pas les canots de sauvetage du bord, triompha-t-il. Manœuvrer les bossoirs aurait fait beaucoup trop de bruit. Venez. Il nous reste peu de temps. Nous allons descendre par l'échelle de coupé tribord. Je jetterai le dinghy à l'eau, nous plongerons à sa suite. Il faudra pagayer de toutes nos forces pour s'éloigner du cargo. Compris ? Amy se laissa entraîner. Tout le temps qu'ils mirent pour regagner le pont, elle se surprit à prier pour que quelqu'un surgisse et leur barre la route. Le capitaine ou son second, elle ne savait au juste. Elle avait honte de s'enfuir ainsi pendant que les autres dormaient, mais elle ne voulait pas mourir. Ils longèrent le bastingage en se courbant pour n'être pas repérés par l'homme de barre qui veillait dans la timonerie. Hortz remorquait la grosse valise constellée d'étiquettes flamboyantes. Le Ritz, Palm Beach, la Riviera, le Negresco, Atlantic City, des macarons de pacotille destinés à accréditer le personnage frivole des Tel Pumper. Arrivé à la hauteur de l'échelle de coupé, Ziegfeld ouvrit le bagage, empoigna le paquet de caoutchouc flasque et le jeta par-dessus bord en ayant soin d'arracher la goupille de la bonbonne d'air comprimé. Ainsi, quand le canot toucherait les flots, il serait déjà gonflé. « Allez, haleta-t-il, vite, sur l'échelle. Sautez les pieds joints en vous tenant bien droite, les bras le long du corps. Une fois dans l'eau, nagez vers le dinghy. » Amy agissait comme une somnambule. Elle ôta ses souliers et dégringola les marches métalliques. Elle faisait beaucoup de bruit, mais cela n'avait plus la moindre importance. Quand elle fut au bas de l'échelle, elle prit une profonde inspiration et sauta dans les ténèbres. Le choc fut rude. L'eau glacée la fit suffoquer. Sans attendre, elle se mit à crawler à la poursuite du canot gonflable dont la peinture phosphorescente accrochait la lueur de la lune, enfin sortie des nuages. Sharon, pensait-elle. Où est Sharon ? Il faisait si noir. La fillette nageait peut-être dans la mauvaise direction, ou bien elle s'était assommée en heurtant la coque. Se hisser à bord de l'embarcation ne fut pas une mince affaire. Elle fut aussitôt rejointe par Ziegfeld et par Sharon. Claquant des dents, ils s'emparèrent des courtes pagaies de bois et souquèrent de toute leur force. Leur départ n'était pas passé inaperçu. Des cris en provenance du pont supérieur résonnèrent dans la nuit. Un projecteur mobile entreprit de fouiller les ténèbres. La voix du capitaine, déformée par un haut-parleur, hurla un ultimatum. Le cœur d'Amy battait à tout rompre. La masse du cargo l'écrasait. Elle n'osait penser à ce qui se produirait lorsque cette forteresse de métal rouillé s'enfoncerait, créant un cône d'aspiration avalant tout ce qui flottait à la surface. Ce serait comme de dégringoler au sein d'un entonnoir liquide en tournant de plus en plus vite. Elle ne voulait pas se noyer, encore moins se noyer en pleine nuit. Elle entendait Hortz halter comme une chaudière sur le point d'éclater. La pagaie était si petite et la mer si vaste. Tout à coup, elle discerna deux sillons d'écume déchirant les vagues, deux traînées blanches qui se ruaient à la rencontre du canot. L'une passa à droite, l'autre à gauche, frôlant le dinghy. C'étaient les torpilles du U-boat qui filaient droit sur l'Almoa.